Audi bleu et la Rolex Air King. Fais pas le fou, tu restes sur le parking. Et je regarde même plus quand j'achète des articles. Je me voyais pas en vendeur à Darty. C'est Marseille, capitale des RK. Faut pas dormir, c'est un monde de requins. Que des mythos, tu parles sur ta bégaye. C'est dur poteau de faire confiance à quelqu'un. Je fais le disque d'or, pété sur le parking. Je prenais le bus, maintenant je prends des Boeing. En PV jaune, j'écoute David Bowie. Même à 20 ans, ça fait des roues en Pee-wee. Tu connais les bails. Tu connais les bails. Je conduis mon RS3 avec le pit à la banque. Tu connais les bails. Tu connais les bails. Je kiffe me mettre bleu quand ça fait des roues à banc. Je viens de fumer une trois feuilles, m'a collé au lustre. Je faisais des sons avec Sopra au balustre. Marseille c'est traître, un deck ça te chalume. Faut mettre le gasoil, le voyant il s'allume. J'ai pu me marler, allongé sous la lune. RS6 tout rouge, même le sol il s'allume. Lâche l'embrayage quand le moteur il s'enrume. T'es tout seul au beau mètre, y'a des gains qui t'assument. RSQ8, j'ai fait le gris silver. Moi je mets tapis, j'attends pas la river. Comme les Allemands, chez nous c'est la rigueur. Elle veut du R, mais elle veut casser la suite. Je connais les bails, je connais les bails. Je conduis mon RS3 avec le pit. Tu connais les bails, tu connais les bails. Je kiffe me mettre bleu quand ça fait des roues à banc. Je fais le disque d'or pété sur le parking. Je prenais le bus, maintenant je prends des Boeing. En VV jaune, j'écoute David Bowie. Même à 20 ans, ça fait des roues en Pee-wee. Je fais le disque d'or pété sur le parking. Je prenais le bus, maintenant je prends des Boeing. En VV jaune, j'écoute David Bowie. Même à 20 ans, ça fait des roues en Pee-wee. Tu connais les bails, tu connais les bails. Je conduis mon RS3 avec le pit à la banque. Tu connais les bails, tu connais les bails.